De fées en français. Le Chevalier Vert. Il était une fois, dans le grand royaume de Kaplon, vivait le roi Duster. Le roi Duster n'avait qu'une seule fille. Elle s'appelait Rachel et elle était la personne la plus chère à son cœur dans le monde entier. Tous les gens qui l'avaient vue petite pensaient qu'elle deviendrait aussi belle et charmante que sa mère, qui était morte en lui donnant naissance. La princesse Rachel disait souvent que sa mère lui manquait, ce que comprenait le roi, et il était désolé pour elle. Un beau jour, une dame bourgeoise appelée Lady Trish et sa petite fille Vanta vinrent s'installer près du palais du roi. Vanta avait à peu près le même âge que la princesse Rachel. Princesse Rachel et Vanta devinrent très vite amies, et Lady Trish passait pas mal de temps au palais, à surveiller les deux filles pendant qu'elles jouaient. Lady Trish était très gentille avec la princesse et lui donnait beaucoup d'amour. Princesse Rachel et Vanta jouaient ensemble et grandirent ensemble. Tout semblait parfait dans la vie de la princesse. Jusqu'à ce qu'un jour, tandis qu'elle marchait dans les jardins du royaume, Lady Trish vint la voir en habit de voyage. Où est-ce que tu vas? Je te dis adieu, mon enfant. Je m'en vais très très loin. Quoi? Oui. Et quand reviendras-tu? J'en ai bien peur. Jamais. Non! S'il te plaît, ne t'en va pas. Qu'est-ce que je vais faire sans toi? Ça me brise le cœur de partir, mon enfant, mais je n'ai pas le choix. Il n'y a rien ici qui peut te retenir? Seulement une chose. Mais c'est impossible, tu sais. Rien n'est impossible. Dis-moi ce que c'est et je vais tout faire pour que ça arrive. Je ne pourrai rester que si ton père fait de moi sa reine. Tu comprends? Mais il ne le fera pas. C'est tout? Laisse-moi faire, je m'en occupe. Princesse Rachel alla voir son père immédiatement. Papa, je viens pour te demander d'épouser Lady Trish. Si tu ne le fais pas, elle nous quittera. Et je serai à nouveau privée de l'amour d'une mère. S'il te plaît, papa, épouse-la. Je l'aime vraiment beaucoup. Le roi Duster devint tout pâle en entendant cela. Il n'aimait pas la comtesse et ne voulait pas l'épouser. Mais il avait promis à sa femme mourante qu'il ferait toujours ce que demanderait leur fille. Mon enfant, je ne veux vraiment pas l'épouser. Mais si c'est ce qui peut te rendre heureuse... Alors j'accepte. Princesse Rachel fut folle de joie. Merci beaucoup, papa. Tu es le meilleur. Peu de temps après, le mariage fut célébré en grande pompe et la comtesse devint reine. Mais malgré la joie qui animait le palais, le roi avait l'air triste, car il était certain qu'un malheur découlerait de ce mariage. Et c'est exactement ce qui arriva. En très peu de temps, le comportement de Lady Trish envers la princesse commença à changer. Elle éprouvait de la jalousie, car la princesse était l'héritière du trône et pas sa propre fille. Très vite, elle montra son vrai visage. Au lieu de parler gentiment et avec amour à la princesse, ses mots devinrent durs et cruels. « Quelle jolie robe tu portes aujourd'hui! Je veux que tu la donnes à Vanta tout de suite !»« Mais maman, j'adore cette robe !» Je m'en moque totalement. Je suis la reine. N'oublie pas ça. Allez, hors de ma vue maintenant. Le comportement de la reine envers la princesse devint pire jour après jour. Et très vite, la princesse ne la supporta plus. Elle était triste et contrariée toute la journée et pleurait dans sa chambre. Le roi était vraiment mécontent de voir sa fille bien aimée souffrir de la sorte et il ne le supportait plus. Il décida de lui construire un château sur une île, sur un lac. Et voilà, c'est maintenant ton propre château. Va y vivre, heureuse, loin de ta belle-mère. Ici, tu pourras faire tout ce que tu veux, et je m'assurerai que ta belle-mère n'y mettra jamais les pieds. Merci beaucoup, papa. Mais promets-moi de venir me voir tous les jours. Cela va sans dire, ma chérie. La princesse fit un câlin à son père. Pendant très longtemps, elle vécut en paix et grandit en devenant de plus en plus jolie. Un jour, un messager venu du royaume voisin alla voir le roi Duster pour l'inviter à une grande réunion de chevaliers et de nobles. Le roi Duster accepta l'invitation. Avant de partir, il alla prévenir sa fille de son départ. Ma chérie, je me rends à une grande réunion de chevaliers et de nobles. Il y a là-bas plein de magasins splendides faits pour des princesses comme toi. Est-ce que tu veux que je te ramène quelque chose? Je n'ai besoin de rien, papa. Mais si tu veux bien dire bonjour au chevalier vert pour moi, je serai très heureuse. D'accord, ma chérie, je le ferai. Le roi Duster n'avait jamais entendu parler du chevalier vert. Mais n'ayant pas le temps de poser de questions, il promit à sa fille et partit pour son voyage. Sur sa route, il demanda à tous les gens qu'il croisait qui était le chevalier vert. Connaissez-vous le chevalier vert? Mais la réponse était toujours non. Le roi Duster commença à se dire que sa fille s'était trompée concernant l'existence du chevalier vert. Il était triste que ce soit aussi la première fois qu'elle lui demandait de faire quelque chose qu'il ne pourrait pas faire pour elle. Il y pensa tellement longtemps qu'il ne remarqua pas la direction prise de son cheval. Et il se retrouva soudain au milieu d'une forêt dense dans laquelle il n'était jamais venu. Il continua d'avancer à cheval pour chercher le chemin. Il croisa enfin un homme vers qui il se dirigea, ravi. Je me suis perdu. Pouvez-vous me dire où on se trouve, là? Vous êtes dans la forêt du Chevalier Vert. Le roi Duster fut fou de joie. Et où vit le Chevalier Vert? Oh, pas bien loin d'ici. L'homme lui indiqua la direction. Le roi Duster le remercia et repartit. Enfin, il atteignit un joli château qui se tenait au milieu d'un jardin très mignon où des fontaines arrosaient des bassins en marbre. Au bord d'un bassin en marbre était assis un jeune homme fort beau qui était habillé des pieds à la tête d'une armure verte. Le roi Duster s'approcha de lui. Vous devez être le chevalier vert. Oui, on m'appelle ainsi car je porte toujours du vert. Mais mon vrai nom, c'est Eugène. Je suis si content de vous avoir enfin trouvé. J'étais en chemin pour la grande réunion des chevaliers et des nobles, mais je me suis perdu en cherchant votre palais. Et qu'êtes-vous venu me demander, sire? Eh bien, je suis juste venu vous passer le bonjour de la part de ma fille. Je ne vous ai jamais rencontré, ni votre fille. Mais vous êtes le bienvenu pour loger dans mon palais pour la nuit. Le soleil est en train de se coucher. Et je ne vous conseille pas de repartir dans la forêt à cette heure-ci. Le roi Duster était reconnaissant et accepta l'invitation. Le lendemain matin, lorsque le roi s'apprêtait à repartir, le prince Eugène lui mit dans la main une boîte incrustée. Votre Majesté, s'il vous plaît, offrez ce cadeau à votre fille. Il contient mon portrait, de sorte que lorsque j'irai la voir, elle me reconnaîtra. Je suis sûr que c'est la jeune fille que j'ai vue dans mes rêves toutes les nuits. Et je dois remporter son cœur pour l'épouser. Le roi donna sa bénédiction au chevalier et promit d'offrir le cadeau à sa fille. Il s'en alla là-dessus. Lorsqu'il arriva à son palais, Princesse Rachel courut vers lui. Tu as vu le chevalier vert? Oui, je l'ai vu. Et son vrai nom, c'est Prince Eugène. Prince Eugène? Waouh! Il m'a demandé de te remettre ce cadeau pour que tu puisses le reconnaître quand il viendra ici. Quand la princesse découvrit le portrait, elle sembla ravie. C'est incroyable, c'est l'homme que j'ai vu dans mes rêves. Papa, c'est lui que j'épouserai et personne d'autre. D'accord, si c'est ce que tu souhaites, ma chérie. Mais je te suggère de le rencontrer d'abord. Et aussi, assure-toi que ta belle-mère ne sache rien de tout ça. Peu de temps après, le prince Eugène arriva. Il était si beau dans son armure verte que la princesse tomba amoureuse de lui encore plus fort. Et quand il la vit, il réalisa qu'elle était vraiment celle dont il avait rêvé toutes les nuits. Et il lui demanda immédiatement de devenir sa femme. Veux-tu m'épouser? La princesse baissa les yeux et sourit. Oui! Ils se prirent dans les bras. Mais alors, la princesse se rappela le conseil de son père. Mais écoute! Nous devons garder tout cela secret, surtout vis-à-vis de ma belle-mère. Jusqu'au jour du mariage, autrement elle trouvera un moyen de tout gâcher. Comme tu voudras, mais je ne peux rester loin de toi plus longtemps. Jusqu'au mariage, je viendrai te voir tous les jours. Je viendrai tôt le matin et je partirai quand il fera nuit. De cette façon, ta belle-mère ne saura jamais rien sur nous. Les jours suivants, le prince Eugène rendit visite à la princesse tous les jours et passa beaucoup de temps avec elle à se balader dans les beaux jardins, là où la reine ne pourrait pas les apercevoir. Un jour, une jeune fille qui marchait près du lac très tôt le matin vit le prince ramer vers le château où la princesse Rachel l'attendait déjà. Elle alla immédiatement rapporter l'information à la reine. La reine fut furieuse. Le lendemain, de bonne heure, la reine descendit sur la berge du lac avec un flacon de potion magique et se cacha derrière un arbre. Le prince Eugène arriva comme d'habitude, passa la journée avec la princesse Rachel et, quand la nuit fut tombée, il retourna vers l'eau pour monter sur son embarcation. Sans savoir que la reine avait mis de la potion magique sur la poignée, il empoigna sa pagaie et se mit à ramer. Oh, c'est super chaud! Avec de la potion magique plein les mains, le prince Eugène s'essuya le front. La potion se mélangea à sa peau et lentement, il devint tout vert. Lorsque le prince Eugène arriva à son palais, il se sentait très malade. Les jours suivants, la princesse Rachel attendit son prince Eugène. Mais il ne put venir car il était malade. Mais tout ça, elle ne le savait pas. Elle se sentit impuissante, d'autant que son père était aussi hors du royaume, occupé à rencontrer d'autres rois pour ses affaires commerciales. Elle s'assit à la fenêtre ouverte et pleura avec tristesse. À ce moment-là, un petit oiseau vint se poser sur la branche de l'arbre qui était juste en dessous. Ton prince est malade! Tu dois tout de suite aller le voir! Quoi? Que lui est-il arrivé? Pas le temps de t'expliquer! Sache juste que ta méchante belle-mère a utilisé une potion magique sur lui et que seules les herbes jaunes de ton jardin pourront le sauver! Dis-moi plus, s'il te plaît! Habille-toi comme une infirmière du palais du roi de la campagne, car c'est le seul moyen de pouvoir t'approcher du prince. Prépare de la soupe aux herbes jaunes et donne-la lui. Quand il aura fini son bol, il ira mieux instantanément. Le lendemain, la princesse Rachel partit de bonne heure habillée en infirmière, emportant avec elle les herbes jaunes. L'oiseau vola devant elle pour lui indiquer le chemin jusqu'au palais. Quand ils arrivèrent, la princesse Rachel alla directement se présenter à la vieille infirmière de confiance du prince. Madame, je m'appelle Fiona et je suis envoyée par le roi de la campagne pour aider à guérir le prince. Et comment comptes-tu faire ça alors que tous les meilleurs médecins ont échoué? La potion est fatale et ça me brise le cœur de te dire que personne ne peut aider le prince. Oh, mais moi oui! Avec ma soupe aux herbes, le prince va se remettre en un rien de temps. Et pourquoi je devrais te faire confiance? Avez-vous d'autres choix, madame? La vieille infirmière trouva que ça valait le coup d'essayer. Elle accepta. D'accord, tu peux aller à la chambre du prince avec ta soupe. Princesse Rachel donna la soupe au prince en personne. Une fois fini, le bol tout entier, elle sortit et attendit un moment. Rapidement, le prince Eugène commença à transpirer et en quelques instants, il fut complètement guéri. Quand il se réveilla, la princesse Rachel envoya dans la chambre une jeune infirmière avec le bol de soupe vide dans ses mains. Qui es-tu? Est-ce que c'est toi qui as fait la soupe qui m'a guéri? Oui! Eh bien, dis-moi ce qu'il te plairait d'avoir comme récompense et je te le donnerai. Princesse Rachel avait déjà dit à la jeune infirmière quoi répondre. Je voudrais être votre femme. Je suis désolée, mais c'est bien la seule chose que je ne peux accorder, car mon cœur appartient à la plus jolie fille du monde, et elle m'attend dans son palais, sur une île. En entendant cela, la princesse Rachel courut dans la chambre du prince et le serra fort dans ses bras. La jeune infirmière sourit et s'en alla. Le prince était ravi de la voir ici, mais aussi très confus. Que se passe-t-il? Princesse Rachel lui expliqua tout et comment sa belle-mère avait utilisé de la potion magique pour le rendre malade. Ah, je suis si content que tu m'aies sauvée, ma chérie. Je suis heureuse que tu ailles bien. Ils se prirent les mains et se serrèrent fort dans les bras l'un de l'autre à nouveau. Quelque temps après, ils se marièrent en grande pompe. Le roi Duster fut ravi de voir enfin sa fille complètement heureuse. Quant à la reine et sa fille, il les renvoya du royaume et leur ordonna de ne plus jamais mettre les pieds sur son territoire. Le prince Eugène et la princesse Rachel vécurent dans leur palais sur l'île et aidèrent le roi Duster à gouverner son royaume. Et tous les gens de leur royaume furent vraiment très heureux comme cela.